À quoi bon se mentir? Pourquoi se dire que j'ai pas de regrets? Éternel, ils sont qui fait que j'envisage plus le progrès. Mon âme, c'est tristesse, désintégrée contre mon gré. Quand le passé blesse, et vers l'oubli que je rêve d'émigrer. Je regrette de ne pas avoir fait plutôt la prière. Sous le poids des péchés, je désespère, mais y'a que ça à faire. Des fois, tu fais des choix que tu crois pas regretter. Comme tes plans se gardent, vends tes potes rien que pour te la péter. Je regrette d'avoir trop tôt foiré mes études. Sûrement ma plus grosse erreur, aujourd'hui j'ai la certitude. En ces choses que je pouvais pas voir avant, dorénavant je vais au-devant dans ce combat tellement éprouvant. Je regrette les conseils de ceux qui me sont proches. Boudé en classe, comme moi j'avais pas d'argent en poche. Dans la bouche des parents, tellement de reproches. Misérable compagnie, t'inquiète, je décrirai mieux Gavroche. Éternel regret, mieux vaut avoir un mouchoir. Plus de 16 mesures faudrait pour chialer tout notre désespoir. Perpétuelle tristesse m'empêche de voir dans le miroir. Quand la terreur, nos erreurs nous poussent dans le purgatoire. Éternel regret, mieux vaut avoir un mouchoir. Plus de 16 mesures faudrait pour chialer tout notre désespoir. Perpétuelle tristesse m'empêche de voir dans le miroir. Quand la terreur, nos erreurs nous poussent dans le purgatoire. On dit que les regrets sont éternels comme les diamants. Y'a tant de choses qu'on voudrait effacer inconsciemment. Tant de choses sur lesquelles on aimerait tracer un trait. Comme dans nos mémoires l'extrait du visage d'un teutrait. L'éternel regret, c'est une faute, une négligence. Une diligence qu'on braque sans faire preuve d'intelligence. Ou le manque de soutien apporté à un ami. Au bout du compte, on se rend compte qu'on n'est plus de la même famille. Je mets de côté ma rancœur, ma rancune. Afin qu'ils disent tous en cœur toutes mes fâches, dis bien chacune. Pèse en mon âme et conscience, c'est qu'on le sens de la vie change. Mais pas toujours dans le bon sens. Éternel regret, mieux vaut avoir un mouchoir. Plus de 16 mesures faudrait pour chialer tout notre désespoir. Perpétuelle tristesse m'empêche de voir dans le miroir. Quand la terreur, nos erreurs nous poussent dans le purgatoire. Éternel regret, mieux vaut avoir un mouchoir. Plus de 16 mesures faudrait pour chialer tout notre désespoir. Perpétuelle tristesse m'empêche de voir dans le miroir. Quand la terreur, nos erreurs nous poussent dans le purgatoire. On est toujours amené à faire un choix. Soit le moment parfois, aussi pesant qu'un objet assommant. Mes regrets sont éternels, comme l'amour maternel. Un truc abstrait comme l'importance donnée au matériel. Je regrette le passé, tout le bon temps que j'ai passé. Peu à peu effacé car l'oseille nous a dépassé. Je vois plus de valeurs communes dans ma commune. Et le crime prend du poids comme une poussée de volume. Y'a tellement de choses que je regrette, tellement de choses dans lesquelles je voudrais en venir au fait. Je voudrais trouver la force de me retourner foncer, effacer l'écorce, même si je me sens enfoncé. Mes regrets me rongent de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Inférieur au supérieur, j'agis avec ardeur. En moi demeure une tristesse perpétuelle. Je trouve plus de justesse dans ce putain de monde virtuel. Éternel regret, mieux vaut avoir un mouchoir. Plus de 16 mesures faudrait pour chialer tout notre désespoir. Perpétuelle tristesse m'empêche de voir dans le miroir. Quand la terreur, nos erreurs nous poussent dans le purgatoire. Éternel regret, mieux vaut avoir un mouchoir. Plus de 16 mesures faudrait pour chialer tout notre désespoir. Perpétuelle tristesse m'empêche de voir dans le miroir. Quand la terreur, nos erreurs nous poussent dans le purgatoire. Éternel regret, mieux vaut avoir un mouchoir. Plus de 16 mesures faudrait pour chialer tout notre désespoir. Perpétuelle tristesse m'empêche de voir dans le miroir. Quand la